Étape 2. Pour installer gratuitement EaseArch, utilisez le lien contenu dans la page. Après avoir ouvert le lien, faites E. Attendez la fin du téléchargement, puis faites E à nouveau. Faites ensuite Entrée, puis utilisez la fonction Alt combinée avec la touche A, puis Entrée 6 fois de suite. Voilà, EaseArch est sur votre ordinateur. Pour passer à l'étape suivante, utilisez le second lien contenu dans la page.